Oh, L'être suprême, le Dieu des dieux, détenteur de la connaissance, diffuseur de la connaissance. Merci d'être tous rentrés sur Teta Nzambe, le Tout-Puissant, Akana, pour promouvoir la protection du bois sacré, l'Iboga. Et ensuite, transmettre sous le sceau des grands maîtres invisibles, nos génies, la connaissance des grandes arcanes secrètes qui nous amènent depuis la nuit des temps, depuis la création de l'homme, depuis la création de l'humanité, depuis la création des univers. Merci beaucoup. Donc, merci d'être tous venus à notre rendez-vous habituel. Nous allons donc ce jour parler du sujet que vous avez vu. Et sur ce sujet donc, nous allons aborder pas mal les sous-thèmes, parmi lesquels nous aurons l'occasion donc, je crois, nous référer quand même au livre des sages, nous référer également à certains écrits que je ne veux pas négliger. Donc, cette thématique dont vous avez vu le titre, le détachement terrestre, c'est-à-dire se défaire des attachements terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, donc, il y a eu ce qu'on appelle attachement. Mais nous allons comprendre, en fait, qu'est-ce que nous appelons un attachement. Et ensuite, au deuxième point, nous allons donc identifier la différence entre ce qu'on appelle l'amour et l'attachement. Parce que dans la société, dans nos relations humaines, et quand je parle des relations humaines, c'est dans tous les domaines, on a tendance à confondre l'amour et l'attachement, c'est-à-dire attacher quelqu'un. Et enfin, au troisième point, quelles sont souvent les erreurs que nous commettons lorsqu'on ose attacher quelqu'un ou lorsqu'on ose s'attacher à quelque chose? Quelles sont les erreurs? Quatrièmement, que se passe-t-il après la mort, réellement? si nous étions attachés à nos biens matériels, si nous étions attachés à nos richesses, si nous étions attachés à notre épouse ou à notre époux, que se passe-t-il après la mort? Et je vais toucher la tradition. Dans nos traditions africaines, et ceci même avant l'Égypte, nous avons des rites que nous faisons. Ces rites se pratiquent généralement après la perte de notre conjoint ou de notre conjointe. Et ce rite-là, on l'a appelé rite de veuvage. La veuve le reste ou le veuf restait. Mais généralement, ce sont les femmes qu'on impose ce rite-là. Et je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, je vous parlerai d'un autre une expérience que vous faites sûrement inconsciemment, pour ceux qui ne sont pas initiés ou entraînés, c'est l'expérience qu'on appelle de détachement corps-objet. Est-ce que cette expérience du détachement corps-objet nous aide-t-elle à comprendre pourquoi il faut se défaire des attachements terrestres ou bien se défaire des terrestrialités humaines? Et enfin, je vais vous faire écouter une conversation entre initiés. Vous allez écouter les paroles sages d'une initiée que je tiens ici à remercier personnellement parce que, en fait, c'est elle qui m'a inspiré pour parler aujourd'hui. Nous avions conversé. Et à l'issue de cette conversation, est sorti ce sujet. Donc, avant de commencer, je tiens donc ici à rendre un vibrant hommage à notre administratrice. Notre administratrice, si vous entendez seulement cette expression, c'est elle qui est co-fondatrice des forums que vous voyez. Je dirais que l'idée venait d'elle. Les forums que nous avons appelés le Soulo Baba, c'était, il y en a 3 et le nombre augmente. Nous sommes autour de 700 et quelques. Cette dame, elle travaille beaucoup. Et aujourd'hui, elle est chargée également des différents séminaires que je vais organiser à travers le monde. L'autre séminaire, elle était très occupée, elle n'a pas pu être impliquée. Je parle du séminaire que j'ai eu en France en janvier 2020. Mais, février 2021, elle est beaucoup impliquée avec la délégation de la France que je tiens ici à rendre hommage pour mon prochain séminaire, conférence qui aura lieu du 18 au 22 février. Il ne reste que 6 mois, mais seulement, il ne faut pas éviter qu'on nous insulte tous les jours. Beaucoup d'amis américains et européens disent, vous les Africains, pourquoi vous attendez toujours à la dernière minute pour organiser quelque chose d'aussi important? Chez l'homme blanc, il se prépare des années à l'avance. Et oui, il se prépare des années. C'est-à-dire, un événement qui va avoir lieu en 2022, rassurez-vous, c'est déjà fait en 2020. S'il vous plaît, tout le programme est déjà à votre portée. Là, vous attendez peut-être les thèmes. Est-ce que c'était même nécessaire? Mais nous avons même travaillé sur les thèmes qui vont être abordés. Comme ça, au moins, ceux qui viendront là, ceux qui sont en Europe, bon, il y a dans l'année dernière, j'ai eu des gens qui sont venus de l'Afrique, rassurez-vous, peuvent peut-être dire, ce thème-là, ça ne m'intéresse pas. Ou, ah oui, ça m'intéresse. Ah oui, ça correspond à mes besoins. Nous avons donc pris le soin de prendre des thèmes que vous-même vous avez choisis. Et je n'en ai imposé aucun. Mais c'est au vu du vide parmi les thèmes qui ont été choisis que moi j'ai ajouté certains thèmes. 95% de ces thèmes, rassurez-vous, sont basés uniquement sur la ritualité pratique, c'est-à-dire sur les rites de notre terroir de l'Afrique. Lesquels rites doivent être des rites pratiques? Et j'insiste, pratique veut dire que les gens qui m'appellent, « Oh, maître Mouvier, j'ai un problème. Je n'arrive pas. Je suis addicté à l'alcool. Que dois-je faire? Je ne suis pas dans la forêt du Gabon. Je ne suis pas dans la forêt du Congo ou au Cameroun, c'est-à-dire dans le bassin du Congo, pour avoir les plantes ou l'écorce de l'arbre qu'il me faut de par ma connaissance dans la magie verte pour pouvoir tacler ce problème où je peux faire des petites décoctions. Je suis ici. Parfois, je suis obligé d'utiliser d'autres voies et moyens qui s'adaptent quand même. C'est-à-dire les méthodes des blancs. Mais là, s'il vous plaît, C'est au cours de ce séminaire que vous êtes invités y assister. Parce que là, je vais vous transmettre. Et rassurez-vous, mes frères initiés qui s'inquiètent, pourquoi je vais dévoiler les secrets? L'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas évolué parce que nous nous embrigadons et nous gardons ce genre de connaissances qui ont été des connaissances précurseurs de la science d'aujourd'hui que les Blancs ont exploitées. La montée à la Lune, savez-vous que nous étions les premiers à avoir découvert ces choses? La science, la géométrie, savez-vous que ça vient de l'Afrique? Et maintenant, nous voulons garder tout secret, secret, et comment va-t-on avancer? Ne savez-vous pas que la science métaphysique et la science physique s'allient? C'est-à-dire, pour comprendre la matière, il faut aller à l'esprit, à l'énergie fondamentale. Mais cette énergie fondamentale, le Blanc trouve des noms scientifiques qu'il attribue. Il les appelle, par exemple, quand la fusée va à un certain niveau de l'orbite, il parle de lévitation. Mais nous, dans nos sciences de métaphysique, on parle de lévitation. Vous êtes capable de vous lever dans l'air, de se transposer. Bref, pardonnez-moi, j'étais juste en train de vous dire en prélude que, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je vous ai déjà annoncé les thèmes, le grand thème, c'est de vous aviser que, s'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute. Il ne reste que 6 mois. Parce que les gens, quand ils entendent dans leurs oreilles, au février, le 22 février, plutôt du 18 au 22 février 2021, oh, c'est encore loin. Non, ce n'est plus loin. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait combien? 6 mois! Il reste seulement 6 mois, s'il vous plaît. N'attendez pas la dernière minute, comme l'année dernière, j'ai vu des gens se précipiter. Oh, maître, je n'ai pas pu. Mais, mon Dieu, j'ai bombardé sur Facebook, j'ai bombardé de partout. À partir de cette semaine, il y aura une grande campagne dans toute la France. Près de 55 000 Africains doivent recevoir ces flyers-là. Alors, si vous n'agissez pas avant, ce ne serait pas de ma faute. Allons-y propre. Donc, je tiens ici à rendre vivant hommage à notre administratrice. Je vous dis bien que c'est une conversation d'initié et de laquelle est sorti ce sujet. D'accord? Et sur ce sujet, bien sûr qu'il y a des sous-thèmes qui sont des sous-thèmes considérés comme tabous. Alors, commençons par le commencement. Je vous ai dit d'abord en définition, qu'est-ce que c'est le détachement terrestre? Je crois que le titre même donne la propre définition. Le détachement terrestre, c'est se défaire des attachements terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire, se défaire? Se défaire, verbe faire, se défaire, donc abandonner, laisser, se libérer de tout ce qui nous attache sur cette terre. Mais quelles sont ces choses qui nous attachent sur cette terre? Alors, dans ce moment, ça nous amène donc à l'attachement. Qu'est-ce que c'est un attachement? Vais-je vous donner un dictionnaire de Larousse? Mais vous savez ce que c'est. Ça vient du verbe attacher. Ça veut dire porter toute son importance à quelque chose. Porter toute son importance à quelqu'un. Mettre toutes ses énergies, son âme, son corps, sa vie, tout à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà ce que moi j'appelle un attachement. On ne peut plus s'en débarrasser. Je m'attache. Ça c'est... What is the name of it? This is what we call the speaker, Bose. C'est un haut-parleur Bose. Je l'aime bien. Et c'est ce que j'utilise dans toutes mes semaines. Donc, je m'attache à ça. Et vous savez ce que c'est s'attacher? Donc, il faut d'abord expliquer ce que c'est l'attachement. Pourquoi je demande ici, pourquoi nous demandons aux gens de se détacher des terrestrités humaines? Mais parce que les terrestrités humaines, et faut-il que je vous explique dans mon langage que ce que j'appelle terrestrité humaine? Terrestrité humaine veut dire que tout ce qui est sur cette terre et qui a tendance à nous distraire. Je dis bien tendance, pas forcément. Je prends par exemple le cas d'une belle voiture. Moi, j'aime bien les belles voitures, j'aime même les voitures. J'aime les voitures sport. Je les aime bien. Mais est-ce que je vais en faire une obsession? Ah, tiens, voilà un autre mot. Trouver au mot attachement obsession. S'obséder. On ne peut plus s'en passer. Ah oui, oui, oui. Et j'ajouterai un autre mot que nous utilisons dans notre domaine de la psychiatrie. Ah, what's the word? Addiction. On a de l'addiction. Ben, tiens, je suis surpris que les Français ont pris ce mot. Enfin, chez mes frères voisins, là, les Canadiens. L'addiction veut dire vous êtes addicté. Alors, s'il vous plaît, si vous consultez le dictionnaire, le mot addicté, mais c'est trop fort, hein? Parce que addicté, ça veut dire tout simplement, vous ne pouvez plus vous en passer. Vous êtes devenu esclave. Donc, vous devenez esclave de votre maison. Vous devenez esclave de vos biens matériels. Vous devenez esclave. Vous attachez toute votre importance. Votre âme, votre esprit, votre corps, en émo, tout votre être est complètement orienté sur cette chose ou sur cette personne. Et enfin, je vais passer. Là, je vous ai donné la définition d'un attachement, n'est-ce pas? Écoutons un peu ce que les religieux disent. Pardonnez-moi, je suis un initié, mais un initié tout à fait exceptionnel, hein, qui a accumulé au cours de son passage, allez-y voir ma biographie. Je ne peux pas quand même me permettre de ne pas penser à nos frères religieux. C'est très important. Mais dans le livre des frères religieux, là, il y a un monsieur qu'on appelait Saul de Tarse, celui qui fut le fondateur du christianisme. Écoutons ce qu'il nous dit à propos de ce, je vais aborder le deuxième thème, c'est-à-dire la différence entre l'amour et l'attachement. D'accord? Parce que on fait la confusion. On peut avoir de l'amour. Pour, moi, je vous dis, j'aime la voiture de sport. Mais est-ce que, quand je dis j'aime les voitures de sport, je vais m'attacher? Je veux devenir un obsédé? Un addicté? Non! J'aime la femme. Est-ce que je vais m'attacher à cette femme au point de fondre mon âme d'avec elle? Surtout si nous ne partageons pas les mêmes convictions, surtout si nous ne sommes pas complices. Autant de questions sur l'amour et l'attachement. Bien, l'amour, selon la définition, nous autres les initiés, et je suis peut-être, je donne des enseignements dessus, je vous parle de l'amour inconditionnel. Mais les Grecs ont défini dans le mot amour quatre catégories. Parce que souvent, j'entends des couples qui murmurent, qui se battent, qui disputent, dont l'accent, leur jalousie est centrée sur, malheureusement, le quatrième amour, l'amour pornographia, c'est-à-dire l'amour sexuel. Mais les Grecs qui, la langue par excellence, qui a essayé de nous aider, et même dans nos langues à nous, moi en langue ongarlois, amour veut dire tonda. Tonda. Voyez-vous, ça c'est dans ma langue. Donc on connaît le mot amour dans la langue galloise, ngomienet, tonda. Tonda, c'est le mot amour. Tondambolo. Et ça, c'est l'amour, le grand amour, l'amour de la fusion. L'amour où l'être suprême est impliqué. Et ensuite, donc, sur cet amour-là, maintenant, les Grecs ont défini qu'il y en a quatre niveaux. Il y a d'abord l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour spirituel, l'amour infini, c'est-à-dire cet amour qu'on appelle l'amour inconditionnel, quoi. D'accord? C'est un amour qui est purement divin, spirituel, où votre esprit s'y oriente. C'est ça qu'ils appellent l'amour agapé. Ensuite, nous avons l'amour fraternia. Fraternia vient du mot fraternité. Donc, dans fraternité, on voit les affiliations, on voit les religions, on voit les partis politiques. On voit des organisations non politiques, nous voyons des charités. Et là-dedans, tous ceux qui sont membres se réunissent autour d'une idée. Et là, cette idée, donc, en quelque sorte pour moi, qui suis dans le monde des sciences spirituelles, ils vont donc former leur égrégore autour de leurs choses. Alors, ils vont former une fraternité. Donc, dans cette fraternité, c'est l'amour qui va les conduire et les influencer. Voilà donc, ça c'est le deuxième degré. Ensuite, nous avons le quatrième degré qu'on appelle philios. Philios, c'est les sentiments, les émotions. C'est cet amour qui nous lie à notre épouse ou à notre époux. C'est cet amour que nous avons vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos grands-parents. Philios. Et enfin, le quatrième, c'est l'amour pornographia. C'est-à-dire l'amour charnel. Un homme et une femme sont nus. C'est ce que ça veut dire en grec. Pornographie veut dire homme et femme nus. Et c'est de là où les fameux films pornographiques ont vu leur... comment dirais-je? Ont vu leur origine. D'accord? Pour les nouveaux, veuillez me poser les questions à la fin. Alors, donc nous, en tant qu'initiés, nous définissons l'amour comme étant la fusion. La fusion dans le tout. La fusion du un dans le tout. Et c'est pour cela, quand je donne mes enseignements, j'ai toujours deux nombres que j'aime bien. J'ai une préférence? Non. Parce que je prendrai le zéro également. Parce que le zéro, c'est un nombre très, très important, hein, qui ne signifie pas zéro, veut dire, ça ne veut pas dire rien, mais ça veut dire le tout. Voilà pourquoi mon nombre que j'aime et que j'admire, c'est le nombre 10. Nombre 10, pourquoi? Parce que c'est le 1 dans le tout. C'est le microcosme dans le macrocosme. Donc voilà comment moi je définis l'amour. Donc cet amour qui est une fusion de votre âme avec l'âme universelle, en évitant de vous attacher à quoi que ce soit, en évitant de vous attacher à qui que ce soit, car lorsque vous êtes dans cette fusion amoureuse avec le tout, en d'autres termes, vous êtes en fusion avec Dieu. Rejoignant le langage des chrétiens qui parlent d'agapé. Mais quand vous êtes à ce niveau-là, vous comprendrez que finalement, la planète Terre est votre école. La planète Terre est notre école où Teta Mwanga, l'autre suprême, nous l'appelons chez nous, en langue tsongo, Teta, Teta Nzambe. Donc, l'être suprême, le Dieu, comme vous pouvez l'appeler, l'âme universelle, énergie fondamentale, origine de tout, ce qui vibre et vit, intelligence suprême, intelligence exprimée, et donc je suis son expression par excellence, pour arriver à cette fusion de vous et lui, vous êtes recommandé de ne pas vous attacher. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Écoutons ce que dit ce monsieur. Pardonnez-moi de vous exhiber ma grosse Bible qu'on appelle la Bible de Jérusalem. Ah bon? Dans je dis dans Jérusalem. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, pour ceux qui sont chrétiens, ils peuvent vérifier chez eux. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 4,8, voici ce qui est écrit. Alors, quand je parlerai des langues des hommes ou parler les langues des anges, mais à quoi cela me sert de parler la langue des anges et la langue des hommes si je n'ai pas l'amour? Je ne suis plus qu'une cymbale qui retentit, un tambour qui fait du bruit. Mais quand j'ai le don, quand j'aurai le don des prophéties, c'est-à-dire si je deviens prophète, ok, et que je connaisse tous les mystères de la vie et toute la science, mais quand je vais atteindre la plénitude de la foi, une foi qui peut transformer, même transporter les montagnes, comme le disent le Jésus des Balaam, les frères Balaam, et avoir à tout cela, c'est-à-dire avoir le don des prophéties, avoir le don des langues, avoir le don de la science, avoir la plénitude de foi, c'est-à-dire opérer des miracles, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oui, c'est lui qui a dit. Il ici n'a pas l'amour, il n'est rien. Donc, vous pouvez être un prophète en train de vociférer comme un fou, ou bien, je ne sais pas, prier en langue, mais tant que vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Il ajoute, quand je vais partager mes biens à nos mondes en échange, je vais livrer mon corps aux flammes, je vais aller me brûler au nom de Dieu. Et si je fais tout cela et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors il dit maintenant ce que c'est l'amour. L'amour est longanime. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'est pas fanfaron. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne tient pas compte du mal subi. L'amour ne rappelle pas le passé. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour met plutôt la joie dans la vérité. Et l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Alors, l'amour ne passe jamais. Les prophéties, les prophètes vont disparaître. Les gens qui prient en langue vont se taire. La science elle-même, elle va disparaître. Parce que la science des sciences qui va perdurer et rester sur toute la planète, c'est la science de Teta Mwanga du Banga Banga, que j'appelle la logologie, c'est-à-dire la science des sciences. L'amour. Voyez-vous? Tout cela. L'amour. Vous avez tout compris? Voilà ce que dit l'homme. C'est l'homme qui a créé le christianisme, hein, ce monsieur-là. Donc, mes frères chrétiens devaient quand même réfléchir sur ces paroles. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, et pour ceux qui sont musulmans, vous pouvez lire également la sourate de Al-Baqarah, la sourate de la vache. La sourate de la vache. Parce que c'est la plus longue sourate qui parle également des grandes vertus d'Allah. Et quand vous voyez la sourate numéro 113, Al-Fatiha, et vous verrez, mécréants que nous sommes, qui sommes-nous, qui sommes-nous pour prétendre être au-dessus de l'autre, de brimader, de brimer ou de faire du mal à quelqu'un, quand nous savons que nous sommes que des mécréants. Même ceux qui prient Dieu tous les jours sont des mécréants, si vous n'avez pas l'amour. Donc vous verrez que l'amour, c'est ça. Je ne peux pas faire des commentaires. Et vous avez tout entendu. Crois tout, accepte tout, et je vais insister sur crois tout, n'envie point, n'est pas jaloux. Bien. Mais quelles sont les erreurs souvent que nous commettons partant de cette définition de l'amour, partant de la définition de l'attachement, c'est-à-dire mettre toutes ses émotions, son âme et tout attaché à quelque chose, obstiné, addicté. Et nous, de l'autre côté, nous avons vu ce que c'est l'amour. Maintenant, quelles sont les erreurs que nous, les humains, nous commettons? Souvent, nous commettons les erreurs suivantes. Nous cherchons dans le plan matériel tout obtenir. Ce n'est pas mauvais. L'ambition n'est pas un péché en tant que tel. Il y a de cela 40 ans, j'étais encore jeune, j'étais au lycée technique, j'avais des ambitions à être aux États-Unis. J'ai un ami aujourd'hui, il est maintenant général, et un autre qui est, je crois, colonel à la garde républicaine. Nous parlions de cela. Nous sommes toujours amis sur Facebook. Il me dira, mais vraiment, Vandalin, je savais qu'un jour tu allais être à ce niveau-là. Parce que quand nous étions jeunes, en classe de quatrième, j'ai fait, à l'époque on ne contrôlait pas les pièces d'identité. Je vous parle des années 84-85. Oui, j'ai participé, c'est-à-dire qu'il y avait des gens. Au deuxième tour du bac, le gars, puisque le lycée technique, vous pouvez vous renseigner, le lycée technique en matière d'anglais, ils n'étaient pas nombreux. Rien. Ils n'étaient pas nombreux. Et renseignez-vous, j'étais le président du club d'anglais avec Boulingui Jambion. Il vient encore. Le lycée technique, à capot. Je parle des années de 79 jusqu'en 85. Président du club d'anglais. À l'époque, nous avions le centre culturel américain qui existait. Bref, en classe de quatrième, donc, je prenais le risque d'aller faire le deuxième tour du bac parce que le gars en anglais, il était nul. Donc, il lui fallait l'anglais. S'il avait au moins une moyenne au-delà de 14, il empochait son bac. Et je prends le risque. J'ai étudié tous les sujets qui étaient proposés. Je crois qu'il y avait 5. Et je les avais tous maîtrisés. Et je m'en souviens le sujet que j'avais abordé. Le trade. Le trade. International trade. Commerce. Et c'est ça que j'avais présenté. J'étais en classe de 4e, hein, je vous en prie. Je ne dis pas la quoi. Que ce frère, je l'ai aidé. Il est devenu quelqu'un. Mais l'erreur que nous commettons, nous attachons tellement de l'importance à des choses qui sont futiles, qui sont passives, des choses qui restent, des choses matérielles, quoi. Et là, je vous parle en tant qu'homme spirituel. Mais quand on dit homme spirituel, allez-y savoir, je ne mange pas le manioc, je mange le manioc. Le manioc sort de la terre, non? Je n'ai pas de besoins humains, c'est tout à fait normal. Mais un initié, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et il y a un terme même que les parapsychologues ont inventé, on appelle ça, il est le médium. Mais médium, ce n'est pas au sens péjoratif, négatif, que je vois les gens, quelqu'un qui communique avec les esprits. Non, ce n'est pas dans ce sens. Médium veut dire intermédiaire entre le monde métaphysique et le monde physique. Méta et physique, c'est tout. Donc, nous avons donc le droit de vivre en équilibre. Mais l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'on s'attache. Et la plus grave erreur, c'est dans les relations humaines. Donc, je disais, dans le travail, au niveau de votre travail, c'est bien beau d'être passionné, d'aimer son boulot. D'accord? Mais est-ce que ce boulot, vous l'aimez au point de vous puiser vos énergies? C'est-à-dire au point de penser que sans ce travail-là, vous ne pouvez plus vivre. Êtes-vous esclave de ce travail au point où vous avez dit qu'on n'allait plus vivre? Moi, quand je dis, je suis fatigué, ben, je dis, I'm going to call off. I need a sick time. And I'm going to use it and I mean what I mean. All right. Voilà pourquoi on paye des blancs s'organiser comme ça. On te donne le sick time. On te donne ce qu'on appelle le personal time. On te donne le family time. Voyez-vous? Parce qu'ils savent qu'il faut éviter de se tuer. Les autres sont venus avant toi. Il y a des gens qui ont été retraités il y a de cela 200 ans pour le même boulot que toi tu fais. Mais toi, tu vas te tuer là pour chercher quoi? Donc, ça, les erreurs que nous commettons, c'est ça. Ça, c'est dans le plan. À cause du temps, je vais rappeler ça vite. Maintenant, je vais toucher le côté relation humaine. L'erreur que nous commettons dans la relation humaine, c'est que je parle des couples. Vous êtes mariés. OK? L'amour surpasse tout. L'amour croit tout. L'amour a confiance. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas envieux. Mais que constatons-nous dans les groupes, dans les couples? Monsieur, il contrôle la femme jusqu'à la dernière seconde. Le téléphone qui sonne, mais c'est grave. Je ne veux pas faire des mimiques, je suis sérieux. Et vous savez de quoi je parle. Le monsieur, dès que son téléphone sonne, ou bien le simple fait qu'il va s'étonner de la présence de la dame, alors qu'usuellement, il ne voit pas cette dame, le fait de poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini. C'est un objet de guerre. Ça va signifier que c'est fini. Là, vous êtes avec un copain ou bien une copine. Pourquoi ces réactions? Pourquoi les hommes sont jaloux? Pourquoi les femmes sont jalouses? Et là encore, n'allez pas me jeter les pierres en disant, mais maître, c'est normal, non, de jalouser sa femme? Peut-être. C'est tout à fait normal, vous témoignez de l'amour pour cette dernière. Vous avez de l'amour. Mais si vous lui donnez cette confiance, pourquoi la contrôler à l'extrême? Au point où elle va se sentir étouffée, mon Dieu. Un moment donné, ça va lui permettre d'agir maintenant comme un enfant. Pardonnez-moi, nous, mamans, ne sommes pas des enfants. Elles sont plus avancées que nous, les hommes. C'est nous qui sommes enfants, en fait. Mais, j'ai dit, quand je parle comme enfant, veut dire quoi? Un enfant, quand vous lui dites, ne touche pas à cela, il commence, son cerveau va à la vitesse de la lumière. Le cerveau d'un enfant est plus rapide que votre cerveau. Oh, deux fois, trois fois, vous dites, ne faites pas ça. Il va trouver un autre moyen pour vous dribbler, pour faire la même chose. Donc, c'est la même chose. Quand vous contrôlez trop une femme, elle va commencer à faire des calculs. Elle va commencer à créer certains mensonges et des mensonges pathologiques. Ce qu'on appelle un mensonge pathologique, c'est-à-dire que c'est un mensonge qui devient la vérité. Oui, et vous allez y croire à chaque fois. Pourquoi? Mais parce que vous êtes au contrôle. Vous êtes ce dominateur dominant. Vous dominez, vous devenez un dictateur. Et ceci va de deux côtés. Ça, ce comportement-là, ce n'est pas de l'amour. Ça devient ce qu'on appelle une addiction. Ça devient ce que je venais de dire, l'attachement. Ce que pour vous, vous avez attaché cet homme. Vous avez attaché cette femme-là. C'est que c'est votre propriété. Ça, c'est une erreur, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas le droit de contrôler cet homme, de contrôler cette femme. Si vous êtes dans une relation où vous avez émis la confiance l'un à l'autre, et encore moins, en plus, si vous aviez une complicité, moi, je ne vois pas pourquoi vous devez étouffer la personne à partir du moment où il y a un franc-parler entre vous. Mais quand ça devient comme ça, ça devient une maladie, ça veut dire que votre relation n'est pas bonne. Vous êtes attaché aux terrestrités humaines. Et ce n'est pas bon. Ceux qui m'écoutent, mariés, futurs mariés, fiancés, ceux qui sont dans une relation, retenez cela. L'amour ne veut pas dire attachement. L'amour veut dire aimer dans le sens strict, comme vous l'avez suivi. L'apôtre Paul a été clair, hein, c'était un initié. Et je ne pouvais plus lire le chapitre 14, parce que là-dedans, il a dit, mais comment vous, en tant que chrétien, vous allez faire ceci? Maintenant, pour celui qui n'est pas initié à votre science spirituelle, comment il va considérer votre comportement? Il y a beaucoup à dire, mais je n'ai pas voulu aller là-bas. Ce n'est pas moi, je ne suis plus pasteur. Je viens d'initier. Donc, Je vous amène ce matin à la compréhension des mystères et de comprendre la science des sciences pour comprendre les phénomènes qui minent notre société. Pourquoi il y a certains mariages qui sont calboignés? Pardonnez-moi le langage, c'est mon langage du Gabon. C'est-à-dire pourquoi il y a des mariages qui sont complètement en disharmonie, mais tout simplement parce que vous êtes jaloux à l'excès. Vous avez ce qu'on appelle la jalousie maladive. Et quand vous êtes dans cet état de jalousie maladive, s'il vous plaît, c'est l'attachement. Vous êtes maintenant indépendante. Et plutôt, vous êtes dépendant ou dépendante. Vous ne pouvez pas fonctionner sans cette femme, vous ne pouvez pas fonctionner sans cet homme. Si dans votre vie, vous qui m'écoutez, vous êtes cette femme-là qui ne peut rien faire sans l'homme, qui ne peut rien décider sans l'homme, une décision bien sûr qui va de votre bien, du bien de la famille, si vous à chaque fois vous devez toujours appeler l'homme, à chaque fois vous devez toujours lui faire appel, c'est que là ça ne va pas, vous êtes attaché à l'homme. Or, Tetamwong, l'être suprême, énergie fondamentale, Dieu créateur des cieux et de la terre, interdit l'attachement à un autre être humain. Vous ne devez pas vous attacher, vous devez simplement aimer. Mais cet amour, c'est l'amour de la fusion qui, au préalable, voilà pourquoi le fondateur du christianisme, le même, il a dit quoi aux Éphésiens, il a dit quoi aux Corinthiens et aux Romains? Que mariez-vous seulement entre vous, mais parce que vous avez la même philosophie. Du fait que vous avez la même philosophie, vous devez vous marier entre vous, ainsi vos âmes vont se fusionner. Vous aurez tous les deux donc à expérimenter cette fusion. Le mari ne va pas jalouser la femme ne va pas jalouser le mari. Moi, une femme qui va aller se plaindre que non, mon mari ne m'aime pas parce qu'il ne me contrôle pas, parce qu'il me pose plus de questions, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça là, c'est une femme qui aime se faire attacher. Évitez ce comportement. Tout comme les hommes qui se plaignent, mais ma femme là, je ne comprends pas, elle ne me jalouse même pas, mais elle est dangereuse. Non, là, elle m'a dit, maman, toi, tu vas aller faire ce que tu vas aller faire, moi, je m'en fous. Moi, je sais seulement que j'ai confiance à toi. Je sais seulement que je te donnais mon cœur. D'accord? Mais attention, ce qui va nous amener plus loin, dans ces erreurs que nous commettons, ça nous amènera alors à l'amour. Là, nous vivons. Mais avant d'en arriver à l'amour, les erreurs également que nous commettons, c'est quoi? Nous attachons la femme ou l'homme par des fétiches. Nous allons voir un marabout. Nous allons voir un professeur des sciences occultes. Je ne vous cache pas, des gens m'appellent. Surtout les hommes. Oh maître, vraiment, moi là, je commence à avoir peur. Hein, parce que ma femme là, elle est trop belle. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose pour vraiment la bloquer? Et je pose la question au frère. Ça fait combien de temps vous vivez ensemble? Oh, ça fait 19 ans. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Oh maître, mais vraiment, même si je dois me suicider, oh là là, vous me posez une question profonde, mais oui, je l'aime à mourir. Ok, mais si tu aimes ta femme à mourir, comme tu le dis, pourquoi alors tu cherches à l'attacher? Oh, mais maître, on ne sait jamais. Ah, tiens, mais là, vous utilisez le mot « on ne sait jamais ». Parce que quand vous parlez, quand vous utilisez le mot « on ne sait jamais », c'est déjà une expression de manque de confiance. Évitez cela dans votre langage. Car tous les sons que vous émettez de votre bouche, toutes les pensées que vous exprimez, ça peut être des pensées démoniques, ça peut être des pensées d'un autre individu quelque part. Faites très attention. Allez-y, monsieur, ma vidéo, le contrôle de vos trois organes, la tête, le cœur et le sexe. Ça va vous inspirer un peu. Donc, voyez-vous, quand je discute avec le monsieur, je découvre qu'il n'a pas confiance. Mais comment pouvez-vous vivre dans une relation où vous n'avez pas confiance? Et quels sont les signes qui montrent que vous n'avez pas confiance, qui montrent que vous êtes attaché et que vous avez attaché cette personne? C'est la jalousie extrême. La colère explosive, insensée, l'orgueil, l'envie, tout ce que vous voudrez, c'est ça qui explique. Alors, si vous êtes dans cette situation, mes frères et sœurs, revoyez votre vie. Revoyez votre vie. L'enseignement d'aujourd'hui est très important. Hein? Se défaire des attachements terrestres, c'est tout cela. Hein? Que ce soit dans le monde politique, c'est la même chose. Le parti politique que vous adhérez, le leader lui-même, c'est un macro. Le leader lui-même, c'est un assassin. Il sacrifie des choses, il fait ceci, cela. Est-ce que vous avez accepté de rentrer dans ce parti-là pour vivre ce genre d'expérience? Vous avez accepté de rentrer dans ce parti politique, c'est pour pouvoir sauver la nation à travers vos idées. Parce que je crois qu'un combat politique est un combat d'idées. À travers la contradiction, la véritable démocratie, c'est celle-là. Il faut les idées contradictoires. Par ces idées contradictoires, va ressortir quelque chose de beau pour l'avancement d'une nation. Parce que même au sein de la même famille, une femme et un homme, ça ne s'entend pas toujours à 100%. En plus forte raison, même mère, même père, votre... comment dirais-je? J'ai des discussions des fois avec ma fille ou mon garçon. Et pourtant, ce sont mes propres enfants. Hein? Marie et Romain ne s'entendent pas. Donc, vous ne pouvez pas vous y attendre à la perfection absolue. Ce qu'il faut faire. Les idées de l'autre, vous écoutez. Les idées, de vos idées aussi, il écoute ou elle écoute. Et de là, vous allez dire, bon, parmi nous, il y a des gens qui doivent faire ce qu'on appelle la compromission. Il faut compromettre, apprendre à compromettre. Je vais compromettre ça. Ok, d'accord. Parce que toi, tu es républicain, moi, je suis démocrate. On ne va pas s'entendre. Moi, je ne veux pas. Toi, tu me dis, école cadeau. Ça, comment, c'est comment? Moi, je veux ceci, cela. Ok, bon. Entendons-nous ce qui est beau. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Mais il n'y a pas de route, non, au Gabon, là. Il n'y a pas de route. Oh, ah oui, ça, c'est vrai, vraiment. Alors, il me faut de la transparence sur ça. Il faut qu'on s'entende. Moi, je veux voir une route qui doit m'amener de Libreville jusqu'à Mekambo. Une route bien, à la nationale. Je veux une route qui part de machin Mekambo jusqu'à Franceville. Bien, bien, bien. Et toutes ces montagnes-là. Faites-moi des monuments sur ces montagnes, des grands temples du roi Makoko, parce que c'est là où il résidait à l'époque. Et je veux voir des effigies du roi Makoko. Je ne peux plus voir les effigies du roi même, du type qu'on appelle Savonia de Braza. Bon, bref, ça sont des idées politiques. Maintenant, votre adversaire dira, ah, le type là, vraiment, bon, d'accord, je vais compromettre. Moi, j'ai pensé qu'il fallait mettre une maison du PDG ici, là, pour que les gens viennent s'enchanter, PDG, bon, d'accord, on va sacrifier, on mettra les monuments de Makoko, parce que c'est un homme important. Ouais, c'est ça. Dans le domaine de la famille, surtout les relations humaines, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont toutes malheureuses parce qu'elles sentent la dictature de l'homme, parce qu'elles sentent que l'homme est trop, comment dirais-je, non oppressif, mais je voulais dire attachant. Dans le monde mystique, avant que je n'avance vers les conclusions, vous allez féticher cette femme-là. Pour le cas de figure que je vous ai pris, les hommes qui m'appellent. Mais vous allez la féticher pour chercher quoi? Maintenant, si elle meurt, c'est là où on va arriver au chapitre des morts que je vais développer. Toi aussi, la femme. Tu es allé mettre, enfermer l'homme, le nom de l'homme, là, dans un cadenas. C'est une technique qui existe chez nous au Gabon et que je connais également. Bon, je vais mettre le cadenas, tu me donnes le nom du type, je vais faire mes invocations, je vais faire mes rites. Boum, tu as enfermé le pauvre Makambo. Makambo est enfermé dans ton cadenas. Mais toi, tu meurs. Qu'est-ce qui passera-t-il? Tu es allé féticher le directeur général de la Comilog. Parce que c'était ton patron. Hein? Monsieur Legrand Lefebvre. Monsieur Legrand Lefebvre était le DG. Et toi, tu es à niveau CMD, il a fait tout pour te promouvoir. Hein? Tu es devenu même directeur des ressources humaines. Sans bac, sans rien. Et les jeunes qui viennent des universités de Lille, de Montpellier, à gauche, à droite, ils arrivent là, diplômés, ils sont calboignés. Et toi, tu es là, tu joues au grand dur. Alors, maintenant, ton patron là, le type meurt. Mais puisque tu l'as fétiché, maintenant il meurt. Que se passera-t-il après sa mort? C'est ce volet que je vais maintenant débattre avec. Que se passe-t-il après la mort? Je ne vais pas mettre trop du temps, peut-être 10 minutes au plus à cause du temps, pour vous permettre de poser des questions. Mais allez-y, monsieur, ma vidéo sur la mort. Il y a deux vidéos dessus. La mort. Ensuite, la deuxième partie de la mort. Phénomène, fantôme, des fantômes et tout cela. Généralement, qu'est-ce qui se passe après la mort? Cet homme vous a attaché votre âme, il vous a fétiché. Il vous a fait un fétiche très fort. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Aucun autre homme n'a le droit de vivre avec vous. Maintenant, le monsieur meurt. Je m'en fous, hein, qu'il soit blanc ou noir. Le monsieur vous a fait des fétiches que vous aviez sûrement consenti ou que vous ne saviez pas. Le monsieur était dans le Bouiti, dans la franc-maçonnerie. Il était dans l'Ondjoubi, il était dans le Vaudou, il était je ne sais où, et il emmenait les sorcelleries des Maisons Blanches, de magie de l'Inde, tout cela. Et il t'a embrigadé. Ce qui fait que toute jeune, là, tu étais innocent, tu ne savais même pas, tu ne pouvais même pas le tromper. À chaque fois que tu voulais le tromper, tu avais peur. Des jeunes de ton âge qui veulent te draguer, là, tu trembles, tu peux même pisser dans la culotte, dans la jupe. Or, le monsieur t'a vraiment fait un fétiche fort. OK? Maintenant, il est mort. Là, je m'adresse aux hommes qui fétichent les pauvres femmes. Toi, tu vas maintenant mourir. Marguerite reste comme ça là. Elle est jeune. Elle a à peine peut-être 42 ans. Elle a le droit de mener sa vie. Maintenant, on fait comment? Maintenant, je vais vous expliquer. Marguerite, là, elle a beaucoup de choses à faire. Hein. Premièrement, il faudrait qu'elle voie un véritable... D'abord, avant même de faire le rite de veuvage, puisque je vous ai parlé de ça, hein, ça fait, voilà, c'est la sous-question, le sous-thème de cette partie-là. Que se passe-t-il après la mort? Maintenant, il faut faire des rites. un rite qu'on appelle le rite de détachement, corps-objet. Il faut donc détacher votre corps d'avec l'esprit de cette tombe-là. Et c'est des cérémonies qui vont même jusqu'au sacrifice. On doit même sacrifier 10 vaches. Et vous savez le prix d'une vache? Une vache, hein? Vous savez combien ça coûte? Renseignez-vous. Mais 10, ça veut dire qu'il faut prévoir à peu près même 10 ou 15 millions. Il faut sacrifier des vaches. Mais si vous n'avez pas les vaches, on va vous demander de sacrifier 2 êtres humains. Et qui doivent être des enfants qu'il faut sacrifier. Et seriez-vous prêts à le faire? Voyez-vous? Donc vous les hommes là, quand vous partez faire des histoires des attachements des femmes, laissez. On ne fétiche pas une femme. On ne fétiche pas un homme. Non, ce n'est pas fini là, puisque j'ai promis ces 10 minutes hein, pour cette partie-là. Maintenant, la dame, elle est là, elle veut refaire sa vie, rien qu'à le boigner. Mais les hommes pour venir la courtiser, hein, il y en a plein. Les hommes pour la coucher, passer la nuit, oh, il n'y a pas de problème pour ça. Mais maintenant pour marier, zéro. Avoir les enfants, zéro. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Marguerite, à cause de Monsieur Mabako. Mabako avait attaché Marguerite dans ses fétiches. Maintenant, après sa mort, voilà un problème. Il n'y a pas eu détachement. Il n'y a pas eu une défection. C'est-à-dire, la pauvre n'a pas pu se défaire de cet attachement mystico-spirituel dont elle a été victime inconsciemment. Ça, c'est la première phase, phase A. C'est-à-dire, attachement mystico-spirituel inconscient. Que faut-il faire? Il faut se détacher, donc il faut trouver. Je vous ai déjà donné ma chaîne. Okay. Ensuite, là, on passera au rite de veuvage, là. Mais avant d'en arriver. Passons maintenant à la phase B. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait des attachements en phase B. Phase B veut dire quoi? Avec consentement. Madame, Monsieur Mabako te dit, Marguerite, oh, ah là, je crois que je t'aime beaucoup. Et toi, si tu m'aimes, oh oui, oui, moi, je t'aime trop à mourir, même, oh, ya, yo, vraiment, c'est grave. Bon. Nous allons faire donc vraiment un contrat. Contrat comment? Oh, attends, amen. Voilà le couteau. Je vais me blesser. Vous vous blessez. Le gars, la fille aussi se blesse. Vous mélangez les sangs. Allez. Oh, moi, je m'en souviens des gens qui le faisaient au lycée, hein, qui ont regretté maintenant aujourd'hui. Vous vous blessez, là, vous échangez, vous parlez. C'est des rites qui marchent, hein, je vous en prie. Vous n'avez même pas besoin d'être initié. Ça marche très bien. Et en plus de raison, si vous faites maintenant auprès d'un initié, il va demander les cheveux de l'un, la salive de l'autre. Les chilis, pour vous mélanger les chilis, pour vous mélanger tout. On appelle ça mariage définitif. Jusqu'à la mort. Il n'y aura même pas séparation, même après la mort. Oh. Parce qu'on dit que vous êtes marié jusqu'à à la mort. Mais quand on dit jusqu'à la mort, ça veut dire quoi? C'est la mort qui doit vous séparer. Mais dans ce genre de contrat-là, la mort ne vous sépare pas. Jamais. Donc, vous avez consciemment accepté de rentrer dans cette alliance-là. Et là, je parle des gens qui ne sont pas des initiés, mais des gens qui croient au fétiche. Vous l'avez fait. Bon, l'un d'entre vous meurt, on fait comme moi maintenant. Vous êtes bloqué, vous êtes calboigné pour le reste de votre vie. Là. Maintenant, la partie C, ça, ça concerne nous autres. Je suis initié et ma femme également est initiée. C'est-à-dire, quand je parle, elle est initiée, c'est qu'elle est vraiment, elle et moi, nos âmes se sont rencontrées quelque part. Vous, là, vous ne pouvez même pas savoir. C'est le grand mystère des ancêtres, des génies. Ah, là, c'est différent. Parce que là, nous, nos âmes ont fusionné. Nous, là, on a une confiance mutuelle. Chérie, chérie, oh, nous, notre objectif, c'est quitter ce monde-là. On n'a rien à foutre avec les choses de la terre. D'accord? On s'aime, mais notre amour est beaucoup plus fixé vers Teta Mwanga. Nous sommes là pour guérir les malades, apporter la guérison, faire des belles machins. Et après, on quitte cette terre. Donc, là, vous avez des objectifs qui sont différents. Là, en ce moment, vous n'avez pas des attachements parce que vous êtes dans la fusion cosmico, la fusion cosmique universelle. Vous êtes dans la fusion de l'énergie fondamentale. Vous, vos deux âmes ont fusionné pour devenir l'âme universelle. Et là, dans le monde suprahumain et dans d'autres plans subtils, vous pouvez même servir auprès des grands maîtres. Mais le troisième cas, là, c'est rare. Oh, ça, c'est rare. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce que il y a quelque temps, bientôt un an, je vois cette expérience-là. Il y a des gens quand même qui vivent cette expérience. Mais c'est souvent des cas rares. Alors maintenant, le rite de veuvage. Ce rite de veuvage, vous êtes en Afrique. Ceux qui me suivent depuis le Gabon, le Congo, le Cameroun. Au Congo, j'ai observé ça beaucoup. Au Gabon également. Chez le peuple Kota, j'ai observé. Quand mon grand-père Mbombo était mort, et le vieux Nzibo Antoine, quand il est mort, j'ai observé. Hein. La vieille, quand elle est restée, elle a fait le veuvage. Le veuvage là. Bon, ne mélangeons pas les pédales. Il y a des rites d'abord normaux, comme la tradition le veut, on vient, on arrache tout à la femme. Mais ça ne veut pas dire arracher la maison, il faut bien comprendre. On vous rase, quand on dit arracher, on vous dit vous rase le crâne, on vous enlève ceci, on vous enlève les beaux habits, les bijoux, tout ça là. Vous devez là être là comme ça là, pour un temps, X donné. Bon, selon les archives anciennes, auprès des vieux que j'ai consultés, vous restez là même pendant 6 mois à faire ce qu'on appelle le deuil, là, vous portez ce deuil. Maintenant, ça, en dehors de ça, il y a également le rite de veuvage. Ce rite de veuvage, c'est-à-dire que c'est un rite qu'on fait surtout si la femme qui est restée en vie veut se remarier. Moi, ma grand-mère, ça, elle avait dit, niette, moi, je n'ai pas besoin de ça, parce que moi, je ne pense plus au sexe. Donc là, ça dépend. Mais ce rite de veuvage, normalement, les gens font la confusion. C'est surtout pour un homme ou bien une femme qui est restée jeune. Pour moi, je considère que même 70 ans, 80 ans, le type est jeune, hein, ou la maman, elle est jeune, elle peut se remarier. La première année que j'ai vu un couple qui s'est marié, là, la dame avait 93 ans et le monsieur avait 89 ans. Donc, on peut toujours se marier à tout âge. Donc, ce rite de veuvage-là se fait, je ne vais pas rentrer dans la technicité, c'est des choses que je pourrais expliquer au cours du séminaire, mais c'est des cérémonies, il y a des os du corps du type qui est impliqué, il y a des détachements, il y a des rites, il y a celui qu'on appelle chez nous en Gomienne Okambi, Mukambia. Hein? Le parleur, c'est le monsieur qui maîtrise bien la tradition, qui doit faire certains trucs, et nous avons également choisi un véritable initié de ce genre de rite. Parce que le rite de veuvage, ce n'est pas n'importe quel individu, comme on le dit chez nous. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va choisir pour aller faire ça. Non, non. Donc, ce rite de veuvage donc, consistera à créer ce qu'on appelle la défection de votre attachement physico-spirituel, émotionnel, sentimental d'avec le partant ou avec la partante. La femme est partie, il faut qu'on vous détache. Parce que vous devez faire votre vie. Vous voyez? Parce que si vous ne le faites pas, c'est pour cela que je vous ai conseillé d'aller me suivre. Comment on appelle ça, ma vidéo sur la mort, surtout la deuxième partie. Si vous ne le faites pas, rassurez-vous, le phénomène des fantômes. Parce qu'il y a cet attachement terrestre. Il vous a laissé avec ses voitures. Il a ouvert un compte bancaire à votre nom, mais vous ne le saviez pas, vous étiez encore jeune. En France, là-bas, il y a un compte où il y a près de 250 000 euros, mais vous ne le saviez pas. Il n'y a que son fils qui le sait. Mais son fils ne peut pas avoir accès. Mais maintenant, vous, quand vous allez savoir ça? Il vous a laissé tout cet argent parce qu'il vous a tellement embrigadé, il vous a attaché, mais vous ne saviez pas qu'il vous a aussi fétiché. Maintenant, vous avez des problèmes, et pourtant vous êtes une belle femme, intelligente, tout. Mais mon Dieu, vous posez trop de questions. Vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire. Mais, parce que ce rite de veuvage n'a pas été fait. Parce que ce rite de veuvage, c'est un rite de libération. Je répète que ce rite de veuvage est un rite de cassure et de libération. Vous libérez votre âme d'avec l'homme qui était marié avec vous ou avec la femme qui était mariée avec vous. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, je vais rejumper vite à la deuxième partie. Vous êtes tous vivants. Vous êtes là, il y a trop d'attachements et tout. Personne ne vous demande de continuer à souffrir comme ça. Ce n'est pas bon. Le fait que vous vous émettez des mots dans l'air, vous dites des choses, tous ces mots que vous dites, vous savez, ce sont des paroles qui sont vivantes, qui sortent de la bouche de Matsanga ou de la bouche de M. Moussavou. Ces paroles qui sortent, c'est vous, Moussavou, en fait. Même si vous mourrez, mais ces paroles sont vivantes dans les terres. Donc, faites très, très attention. Pendant que vous êtes vivant là, si rien ne marche, personne ne vous oblige de finir la vie ensemble. Surtout, je le répète, c'est très important de retenir ce soir. S'il y a un attachement, c'est-à-dire que si vous sentez que le type là, non, ce n'est pas vraiment ça. Tout le temps, une fois dans le mois, ou bien toutes les semaines, ou bien une fois tous les 6 mois, toujours des disputes, il y a un problème. C'est qu'il y a l'un des individus qui a créé ce qu'on appelle l'attachement. Involontaire ou volontaire. La tante a dû lui dire, moi je suis dans le djembé, ce mec-là, il faut l'attacher. Ou bien, moi, cette femme-là, toi, on est dans le bouetti, moi, je vais t'attacher. Voilà des trucs comme ça. Évitez cela. Oh là là, je pourrais bien beaucoup parler, mais dommage. Mon temps a été épuisé. Maintenant, le phénomène du détachement corps-objet. Le détachement corps-objet, c'est ce qu'on appelle communément en métaphysique et en parapsychologie, la sortie astrale. Vous ne pouvez pas faire la sortie astrale si tous vos corps subtils ne sont pas éveillés. Premièrement, votre corps physique, il y a des exercices qu'on fait pour être souple et fort. Voilà pourquoi la plupart des mystiques, ils ne sont jamais gros. Votre corps énergétique, par l'alimentation, ce que vous consommez, que ce soit en termes de boisson, c'est-à-dire liquide, eau, bon, pas d'alcool, bien sûr, l'alcool n'est pas recommandé, mais eau et autres, pardonnez, il y a eu un petit... Ce n'est pas des esprits du Mias ou du Bas Astral, je peux vous rassurer. Il fait très chaud ici. Donc, malgré tout cela, le détachement corps objet, donc la sortie astrale, c'est quoi? C'est quand tous vos corps sont déjà bien préparés, votre âme, votre corps divin sort de ce corps matériel tranquillement. Et vous faites ces expériences-là tous les jours. C'est pour cela que nous, en parapsychologie, on appelle ça l'expérience du détachement corps-objet. Corps-objet. Voyez-vous, le corps physique, en fait, c'est l'objet, quoi. C'est le sarcophage, c'est le cercueil. Et le véritable corps, c'est le corps divin. Voyez-vous, ça vous montre à juste titre que quand vous allez réussir à sortir consciemment de votre corps physique, ça veut dire que vous créez ce qu'on appelle le détachement terrestre. Votre corps physique, faisant partie du plan terrestre, vit donc l'expérience de ce détachement. Réfléchissez bien sur cet exemple. Cela est clair? Réfléchissez bien. Alors, je vous ai promis que j'aimerais partager avec vous notre conversation. Mais elle a décidé de donner la conclusion. Ce n'est pas moi qui vais donner la conclusion, mais c'est elle. Elle n'était peut-être pas prête à vouloir parler, mais elle a préféré faire enregistrer. Vous allez l'écouter. C'est notre administratrice qui est initiée également. Je vous prie donc de prêter attention. C'est elle qui a la conclusion de l'enseignement de ce soir. Battery 89%. BlackBerry BB1005 connected. Il ne faut pas dire qu'il faut s'attacher. Il n'est pas bien de s'attacher. Puisque même si tu t'attaches à une plante ou bien à une fleur, c'est des attachements terrestres. Tu peux toujours être... Le jour où tu pars, tu vas toujours être là quelque part à un niveau au plan astral parce que tu t'es attaché. C'est l'amour. Mais il faut faire la différence entre l'amour et l'attachement. Par exemple, si on prend le cas végétal, on prend les plants, la fleur. Parce que tu aimes les fleurs, tu ne vas pas aller acheter une fleur artificielle. Car la fleur artificielle, il n'y a pas de vie. Tu vas acheter une fleur naturelle, qui est vivante, qui respire, qui va t'apporter la plénitude parce que tu aimes les fleurs. En retour, la fleur aussi te rend, elle est belle, elle est dans ta maison, ça apporte une certaine énergie dans la maison. Différentes fleurs ont différentes significations. Mais il y a une durée de vie. La fleur va durer une semaine, deux semaines, après ça va mourir. Et c'est ça l'amour. Donc tu ne t'attaches pas. Tu sais que c'est pour un temps et pendant que c'est là, tu profites au maximum. Mais il y a un temps. Ça va partir peut-être pour aller sous une autre forme ou dans une autre dimension. Parce qu'il y a une énergie dans la plante, dans la fleur. Maintenant, l'attachement, ce serait d'aller acheter une fleur artificielle et la mettre dans la maison. La fleur artificielle n'a pas de vie. Et ça ne va rien t'apporter. Il n'y a rien. Mais comme tu es attaché aux fleurs, tu te dis, oh, je vais prendre une fleur artificielle. Tu mets ça dans la maison. Tous les jours, quand tu sors, tu vois, il y a une fleur. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un échange. Il n'y a aucune énergie qui se dégage. C'est une fleur artificielle. Et c'est ça le détachement. On ne gagne rien l'attachement. Tu es attaché à cette plante artificielle, il n'y a rien. Ça ne transmet absolument rien. Tu ne peux même pas prendre soin d'elle. Alors que la fleur naturelle, elle vit, tu dois te rassurer qu'il y a assez d'eau dans le pot. Tu ne peux pas partir 3-4 jours, la fleur va s'assécher. Et c'est ça l'amour. Donc, il y a un échange. Toi, en t'occupant d'elle, et elle aussi, elle te donne de l'énergie. Alors que la fleur artificielle, elle est là. Tu es là pendant des années. Tu la regardes, elle te regarde. Il n'y a aucune énergie, il n'y a aucune transmission, il n'y a rien du tout. Et en fait, c'est ça C'est ça, quand on parle d'attachement, en fait. Voilà, ça c'est le premier truc. Quelque chose de bien là. I would say, oh, je vais le dire en anglais. Detachment is not about being cold-hearted, desireless, or uncaring. It's about being open-minded, surrendered, and anchored in trust for the wisdom of life. It seems from a deep security. You have to allow yourself and others the freedom to be who they are. Do not force solution. Allow solution to spontaneously emerge. Uncertainty is essential on your path to freedom. Qu'est-ce que ça veut dire? L'attachement emmène beaucoup de mots. Parce que tu es attaché, tu vas aller marabouter quelqu'un. Parce que si tu aimes une personne, l'amour, c'est la liberté. Dieu, Tatan Zambé, il nous a aimés. C'est pour ça qu'on est libre. On a le libre arbitre de faire le bien, de faire le mal. Parce qu'il nous a aimés, il nous laisse. Et à un moment donné, on meurt. Il ne nous retient pas sur cette terre, vitam aeternam. On part et on va sous d'autres formes, ou bien sous d'autres cieux, comme on dit. C'est ça. Alors que l'attachement, c'est justement d'empêcher la sagesse de Tetan Zamba d'évoluer. Parce qu'on est insécure. Tu t'attaches tellement à la personne. Tu veux contrôler la personne. Tu ne laisses pas la nature faire son cours. C'est ça. Donc, c'est un véritable problème. On ne devrait pas s'attacher encore à quoi que ce soit et surtout pas aux êtres humains. Si tu as une femme, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu prends, tu es là, tu es avec elle, c'est un échange. C'est une rencontre qui nous permet. On est ici pour apprendre, pour évoluer. Et à un moment donné, si, c'est ça l'amour. Et si ça doit finir, so be it. Parce que ça, c'est la sagesse de Tan Zambé qui est en train d'agir. Maintenant, quand tu t'attaches à cette personne, tu ne peux pas, tu te vois pas sans elle. Tu ne peux pas t'imaginer que toi, tu sois en vie et cette personne est avec quelqu'un d'autre. Et c'est cela. C'est comme ça que maintenant, on est attiré à faire certaines choses. Tu es au travail, tu es tellement attaché à ton boulot. Tu te dis que c'est la fin du monde. C'est une finalité. Et c'est comme ça que tu vas maintenant aller forcer les choses, aller transformer un destin qui n'est pas là. Alors que peut-être tu as un destin meilleur ailleurs. Il y a d'autres surprises. Il faut faire confiance en la nature. Il faut faire confiance à la sagesse universelle. Merci. Très profond, n'est-ce pas? Donc, c'est une très bonne conclusion. Et je ne veux pas jeter du sable dans ce qui a été déjà dans la bonne sauce, mais juste ajouter ce petit détail ici. Toute relation que vous aurez avec les quatre éléments, évitez de priver les êtres vivants de cet élément, de priver cet élément de sa liberté. Elle a parlé des plantes. J'aime bien la magie verte. Moi, j'aime bien les génies. J'aime beaucoup convoquer les anges. Pas dans le but de les mettre des boulets, non. J'aime les convoquer, on est là, on converse. Et ce sont eux qui m'inspirent dans mes méditations. Mais je ne dois pas, leur priver cette liberté. J'ai seulement droit à 20 minutes à chaque démon et à chaque ange de m'entretenir avec lui. Et je les connais tous par cœur. Mais quand les 20 minutes ont sonné, je ne peux pas dire non. Oh, ange tel, on ne prononce pas leur nom. S'il te plaît, j'ai encore besoin de toi. Mais parce que les autres 20 minutes, c'est pour quelqu'un d'autre. Il doit aller s'occuper des pierres. Et c'est pour cela que les religieux vont vous dire que Dieu est omniprésent. Mais il agit de manière délégatoire, c'est-à-dire par pouvoir délégatoire. C'est un exemple que j'ai pris dans le règne divin. Vous ne devez pas, l'amour que vous avez pour cet être spirituel, vous ne devez pas le priver de sa liberté. Le mari ou la femme que vous avez, vous ne devez pas l'aimer au point de priver cette personne de sa liberté. Parce qu'il n'y a rien d'aussi beau que la liberté. La liberté est l'expression de l'être suprême en soi, car par cette liberté, on est capable d'atteindre des sommités et des degrés à partir de l'intérieur de soi. Or, dans toute relation humaine, et je l'ai toujours dit, il y a trois éléments. La communication, la confiance et la paix. La communication, la confiance et la paix. Le tout couronné par un amour sincère et un amour universel. Si vous ne pouvez pas graviter autour de ces trois éléments, ce n'est pas évident que cette relation va être saine. Vous vivrez toujours sous des tensions. Car dans la confiance, il y a la liberté. La véritable liberté. Voyez les beaux oiseaux qui volent. Ils sont libres, indeed. Voyez l'eau qui coule. Vous ne pouvez pas empêcher cette eau. Si vous étouffez cette eau, eh bien, vous avez vu les gens qui ont étouffé de l'eau quelque part au niveau des grandes barrières qui ont été créées. Et pourtant, des barrières, on a mis des milliers de tonnes. Mais la muraille continue toujours à s'écouler. On ne peut pas bloquer l'eau parce que l'eau a besoin de cette liberté de couler. Vous ne pouvez pas étouffer cet homme ou cette femme de sa liberté. Et quand on parle de liberté, ce n'est pas une liberté péjorative. Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. C'est la liberté, si par exemple votre mari est un initié, de lui donner cette confiance, de lui permettre d'avoir cette liberté de faire son travail spirituel. Si votre femme est initiée, si elle doit aller le samedi, aller dans ses veillées avec les autres femmes, se retrouver avec les autres femmes, donnez-lui cette liberté. Si elle veut aller se détendre avec des amis et autres, dans une compréhension et une communication mutuelle. Communication, j'entends par là, informer l'autre, demander à l'autre, lui dire, ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle la communication. La confiance, je vous ai déjà dit ce que c'est. Ça tourne autour de la liberté. Ainsi la paix, vous ne pouvez pas vivre en paix si vous êtes attaché. Voilà pourquoi moi, je continue à pratiquer le yoga depuis 78. Je ne peux pas m'en passer. Oui, c'est une addiction pour moi, le yoga. Mais c'est une addiction positive parce que le yoga vient du mot yug qui veut dire l'unité avec le tout, l'homisation, le microcosme dans le macrocosme, le nombre 10. Hein, je vous ai appris comment écrire le nombre 10, vous connaissez. Ce n'est pas tel que les Romains vous ont appris ou les Français, ça c'est faux. Les initiés vous disent le 1 à l'intérieur du 0 parce que 0, ce n'est pas rien. 0 veut dire le tout. Mais maintenant, vous qui êtes à l'intérieur du tout, comment pouvez-vous arriver à cette réalisation de soi? Réfléchissez. C'est une question que je vous lance, une question de défi. Arriver à la réalisation de soi ne consiste pas à poser des questions en vue de faire du mal à quelqu'un, pas à poser des questions insensées ou à poser des questions parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous avez beaucoup appris, vous voulez tester les connaissances de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Vous n'aurez jamais la paix. Parce que celui qui va et critique négativement les autres, il n'aura jamais la paix. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré les doctorats que la personne a. Et encore, moi, je ne suis pas contre mes frères qui sont intellectuels. Hein, je vous en prie, autour de moi, tous ceux qui sont autour de moi qui m'aident et dont je donne ici toutes les félicitations, tous ces jeunes-là, beaucoup ont des masters, c'est des ingénieurs, ceci, cela. Ils sont bien éduqués et je les respecte parce que sans eux, je ne serais pas en train de me faire connaître au public sous plusieurs angles. Et les sites internet qui sont en train de se créer à gauche à droite. Mais malheureusement, il y a des gens qui utilisent cette intelligence artificielle. J'aime bien ce mot. Intelligence artificielle. Parce que le diplôme que le blanc vous donne, c'est pour mesurer la connaissance dans un domaine bien précis. Vous avez une maîtrise de la langue anglaise. Bien, je peux avoir cette maîtrise. Je vais passer un test. On me dit, oui, yeah, you can write English, you can understand it, you can understand the philosophy of the founder of the English language whose name is Shakespeare, to be or not to be. Et on vous donne votre master ou bien votre doctorat. Allez-y enseigner. Mais cela ne veut pas dire que le diplôme ne veut pas dire que vous êtes l'homme le plus intelligent. La preuve en est que dans nos pays africains, on a vu des gens qui ont des 1001 doctorats se faire gérer par des gens qui ont un niveau C1, C2. Et même faire des bêtises, manquer de sagesse. Ils deviennent même orgueilleux et gonflés. Oh, ben écoute, moi j'ai un master là. C'est que ce mec là, c'est qui là? Chut, écoutez, monsieur, moi j'ai été à la Sorbonne. Hein. Renseignez-vous. Hein. Oh là là, moi j'ai un dossier lourd. Hein. Voilà, c'est tout, c'est de l'arrogance. Mais cette arrogance, pour cela j'appelle ça, c'est des connaissances, enfin, ce sont des diplômes artificiels. Ça ne vous servira pas quand vous allez quitter ce monde. Et vos diplômes également, vous devez vous en détacher. Ah oui, oui, vos diplômes là. Doctorat et ceci, cela, il faut vous en détacher. Ça vous sert seulement ici-bas. Et j'ai vu certains, chez moi, à l'Ambaréné, je connais beaucoup d'écarts qui ont eu des doctorats à gauche, à droite, mais à cause, sûrement, de certaines conditions dans le pays, ils se sont vus refuser de faire ce qu'ils devaient faire, et voilà, et certains ont cramé, ils sont devenus fous dans les rues, et d'autres sont des pêcheurs. Donc, c'est pour vous dire que utilisez votre propre intelligence. Et je connais d'autres, par contre, qui ont des doctorats, mais se retrouvent aujourd'hui les meilleurs agriculteurs dans certains pays. Je connais un monsieur qui était colonel dans l'une des armées américaines, ici, là, à l'armée américaine. Chez lui, le monsieur est millionnaire, alors qu'il avait un petit salaire seulement de 60 000 dollars, l'équivalent de 30 millions par an. Donc, je gagnais même plus que lui, hein, au grade de l'armée où il était. Mais aujourd'hui, il est milliardaire dans son pays. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une différence entre l'intelligence et l'intellectuel. L'intellectualisme ou l'intellectualité, comme vous voulez. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que ça fait partie du détachement. Il faut vous détacher également de cela. Que la véritable intelligence, le véritable degré ou diplôme, c'est celui qui vient de là-bas, depuis cette triade supérieure. Et de la triade supérieure, vous arrivez à la véritable réalisation qui passe par la communication, la confiance, afin de mettre en vous la paix. Et cette paix, quand elle rayonne, va vous mettre en harmonie avec le tout. Mon nombre favori, 10. Et le deuxième, c'est 8. Parce que 8, c'est une fois vous avez réussi cette connexion, alors tout ce que vous désirez, vous l'aurez. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut est désormais comme ce qui est en bas. Que tout ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Que ta volonté soit faite dans les cieux, tout comme elle est faite, soit faite sur la terre comme dans les cieux. Voilà, c'est ça le nombre 8. Voilà mes deux nombres favoris, en dehors du 0 et du 1. Voilà. Ainsi, prend fin notre live de ce soir. Maintenant, avez-vous des questions là? Je vous écoute. Pardonnez-moi. Je vous écoute. J'avais complètement oublié la phase des questions. Pardonnez-moi. C'est notre administratrice qui est en train de crier sur moi. Oh, non, mais il faut reconnaître le travail de l'autre. Hein? Il faut reconnaître. Alors, j'attends vos questions, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, connecting to BlackBerry BB100. Je vais donc clôturer BlackBerry et puis on va se retrouver vendredi. Connected. On se retrouvera vendredi ou samedi pour un autre live. Cette fois-ci, on parlera du sujet que je vous avais promis il y a une semaine, angélogie. Angélogie. Qu'est-ce que c'est l'angélogie? Donc, j'expliquerai et on en parlera. Quelqu'un pose la question, est-ce qu'on est capable de se détacher? Je réponds avec force que oui, on est capable de se détacher. C'est pour cela que je propose dans mes initiations douces cette possibilité. D'accord? Capable de biloquer, mais bien sûr, il y a des vidéos. Si vous êtes nouveau, allez-y, abonnez-vous. Il y a les vidéos qui sont là. Je montre, il y a même une technique que j'ai rendue publique. Là. Comment sortir un vampire? Elle est disponible au public. Que faut-il faire pour être sage et intelligent? Mais c'est un processus de culture de soi. Il faut se cultiver et puis il faut également s'initier d'abord dans les écoles traditionnelles, hein? Dans les écoles plutôt dans les écoles des hommes. Alors, quand j'entends par école des hommes, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons les universités qui sont là. Hein? Si vous n'avez pas de bac, bon, tant mieux. Si vous êtes dans un pays comme les États-Unis, je connais un gars qui est venu ici avec un niveau CMD, ça lui a pris 4 ans. Et puis, il s'est lancé, il a appris d'abord la langue, après les 4 ans, après il a commencé son GED, le General Education, c'est l'équivalent du baccalauréat. Donc, il a passé son bac, et alors je vous parle, le gars a un master à l'âge de 74 ans. Donc, rien n'est impossible. Hein. Ça, c'est pour peut-être devenir intelligent. Hein. Bon, l'intelligence n'est pas nécessairement le cursus scolastique. Qu'est-ce que j'entends par cursus scolastique? C'est-à-dire aller dans l'école des bras. C'est pas nécessairement cela. Bon. Moi, personnellement, je prends un exemple sur moi-même. Hein. J'avoue que je n'ai pas fait de hautes études universitaires, bien que j'ai quand même mis pied, mais toutes ces connaissances que je maîtrise, ce n'est pas forcément hein, les diplômes que j'ai eus. Je suis allé dans l'école de la connaissance. Est-ce que l'on peut choisir de biloquer, d'aller faire ce que l'on veut? Bien sûr, la bilocation est un acte volontaire. Je répète que la bilocation, qui est le phénomène de séparation corps-objet, est un acte volontaire. Ce n'est pas un acte qui se passe dans le monde des rêves prémonitoires. Ça ne pas confondre. C'est volontairement, tel que je suis là, je mets ma main sur là, dans mon temple, Et puis je me détends, je respire. Il faut d'abord maîtriser la technique de la respiration. C'est pour cela qu'il vous faut une initiation. Apprendre à respirer comme le poisson, apprendre à respirer comme le fauve, c'est-à-dire le chat ou le grand chat ou le petit chat, en tout cas. Ça, c'est la méthode. Quand vous avez maîtrisé votre respiration et ensuite vous laisserez la respiration animale pour venir à la respiration pranique, à la respiration consciente universelle. Et c'est là, on vous amène donc dans le Bhakti Yoga et Jnana Yoga, donc le yoga de l'observation et de la contemplation, qui est une forme de yoga qui va maintenant vous permettre de beaucoup vous concentrer sur vous-même, votre respiration, mais votre respiration, c'est votre esprit, c'est lié avec votre âme, parce que c'est là où vous exprimez votre divinité. Tetamwanga, quand vous lisez le livre La Genèse, il nous dit, et les dieux, et les Elohim, ainsi, soufflèrent dans les narines de l'homme le souffle de vie. Ainsi, l'homme devint une âme. Donc, l'homme devint une divinité à la ressemblance de Dieu. Et voilà, donc c'est comme ça. Mais maintenant, pour devenir cette divinité ressemblance, la bilocation, donc, c'est la pure expression par excellence du détachement corps-objet, donc vous détachez de ce corps matériel pour aller dans nos explorations. Maintenant, êtes-vous libre d'aller faire ce que vous voulez? Mais bien sûr. Mais si vous allez faire des choses qui ne sont pas les meilleures, est-ce que vous pensez que vous aurez toujours la protection des grands maîtres? Parce que moi, je vous ai dit, j'avais des étudiants ici, américains, qui sont toujours là et qui suivent mes enseignements, qui, l'un d'entre eux, a osé biloquer, aller dans une banque. Il va là-bas, il voit les gros billets des banques, il voit comme ça, là, il voit. Oh, mais maître, je n'ai pas pu amener l'argent. Bon, mais dis donc. Alors, il n'a pas pu amener. Moi, je te dis qu'on fait ça pour aller voler l'argent. Donc, un jour, vous pouvez biloquer, tout comme un autre jour, vous ne pouvez pas. Bon, moi, chacun a son choix. Moi, je biloque, je sors à vampire tous les jours. Ça, c'est, je ne vous le cache pas. De lundi à dimanche, je sors tous les jours. Parce que je dois être occupé, on ne sait jamais. Il y a un voyou, quelqu'un, un sorcier peut venir m'attaquer. Donc, je dois sortir tout le temps à vampire. Donc, ça, vous pouvez sortir une fois par semaine, ça, c'est votre choix. Mais la finalité d'un initié pour arriver à l'immortalité, c'est d'abord de maîtriser votre corps animique. C'est de maîtriser ce corps animique, la sortie du corps animique en vous, de maîtriser la matière avec l'esprit. Donc, bilocation, c'est l'un des phénomènes qui est obligatoire pour tout initié. Si vous êtes un maître maçon, rosicrucien ou du boueté minima, que vous ne savez pas sortir en vampire indépendamment du bois sacré, vous n'êtes pas un maître. Je répète que je le répète, hein, que vous ne pouvez pas prétendre être un maître si vous êtes incapable de sortir en vampire régulièrement. Et cette sortie astrale, qu'on appelle une sortie en vampire, c'est pour explorer d'autres mondes, c'est pour échanger avec les frères, pour aller dans d'autres planètes, également aller dans d'autres pays, pourquoi pas, prendre certaines informations, donner des choses. Moi, c'est pour cela que je sors tous les jours, parce que moi, je vous ai dit, je ne lis plus le livre. Donc, les enseignements que je viens vous donner, souvent ça résulte parfois de mes voyages. Bon, sauf l'enseignement de ce soir, c'est venu à l'esprit, et puis on a échangé un peu avec notre administratrice, et elle a donné sa conclusion sur ce sujet bien précis. Voyez-vous? Donc, la bilocation est indispensable. Avez-vous d'autres questions? Parce que là, je suis en train de lire directement sur l'écran. Une fois sorti en bilocation, est-ce qu'on est conscient de son état en cet instant? Oui. Mais je vous dis que ça demande un entraînement. Ça demande un entraînement. Vous ne pouvez pas dire là que vous venez vous coucher puis vous sortez. Non. Moi, ça m'a pris près de 5 ans. Hein. Oui. Parce qu'au début, ça vous fait peur. Au début, ça vous fait peur. Vous êtes là. Vous voyez. D'abord, la première 2 semaines, voire 1 mois, ça va être compliqué pour vous. Parce que vous ne saurez pas faire la différence entre votre corps physique et votre corps astral. Parce qu'on vous demande de vous regarder vous-même. Il faut d'abord faire la technique de la relaxation totale. Relaxer vos orteils, regardez, relaxer le talon, relaxer ceci, cela. Toutes les parties du pied, tous les fesses, relaxer, même le ventre, le cœur doit arrêter. Vous parlez. Et c'est vous-même qui parlez comme ça. Vous voyez, c'est pas facile. Maintenant, vous allez sentir des picotements. Voilà la première expérience. Quand vous allez sentir les picotements là, ça commence à aller maintenant. Mais après les picotements, ce sera un froid absolu. Mais le froid veut dire que la température de votre corps maintenant commence à baisser. Et quand la température du corps, vous allez sentir maintenant que vous quittez votre corps. À un moment donné, vous avez même peur. Vous regardez, et puis vous retombez. C'était comme ça, moi, je fais. Et la plupart ont commencé comme ça. Donc, vous êtes conscient? Oui, vous ne pouvez pas sortir comme ça à l'état inconscient. Sinon, vous êtes dans le monde prémonitoire, dans le rêve du monde prémonitoire, les rêves oniriques. Hein? C'est ça. Dans le plan onirique, oui, c'est des choses, vous faites des sorties inconscientes. Mais quand vous vous entraînez à sortir un vampire, je ne peux pas venir vous donner la technique en plein monde ici, s'il vous plaît. Il y a la vidéo. Il y a une vidéo, s'il vous plaît. Cherchez les bienfaits et les méfaits de la sortie astrale. Oui, il y a une vidéo, Moussa. J'ai complètement oublié. C'est là-dedans. Il y a une technique quand même que je divulgue là-dedans. Okay? Allez-y, écoutez cette vidéo. J'explique bien. Mais je ne peux pas, là. Je vous ai dit, la plupart des initiés avec qui je suis associé, les grands maîtres, ils ont dit non. Toi, il ne faut pas venir nous déballer nos secrets comme ça. C'est au cours des séminaires maintenant. Si tu veux, tu dors. Mais pas en plein live. Parce que, je le dis pour raison de cause, il y a des jeunes qui ont pris certaines de mes connaissances ici. Et je regrette qu'il y a l'un d'entre eux qui, en ce moment, il est entre le monde invisible et le monde. C'est-à-dire qu'il est devenu fou. Il a perdu la boule. Non, je ne vous cache pas. Oui. Et c'est grave. Ça m'a effrayé. Et vous voyez, et là, les gens m'ont dit, c'est maître nous bien, c'est maître. Non. Moi, je ne viens pas enseigner des choses aussi pour aller essayer n'importe comment. Si ce que j'ai dit n'est pas bon, laissez. Si c'est bon, allez-y tenter. Bon. Vous avez souvent la sensation sans la provoquer volontairement. Bon, oui, mais ça, c'est parce que, sûrement, vous êtes une personne spirituelle. Peut-être vous partez à l'église. Parce que rassurez-vous que les sensations ou l'impression de sortir de votre corps est manifeste. Moi, je commençais à sentir ça quand j'étais témoin de Jéhovah. Et pourtant, les témoins de Jéhovah, vous savez, ils sont très sectaires. Ils vous diront, on ne fait pas ça. Mais pourquoi? Mais parce que j'étais là, à un moment, je lisais la Bible et je me retrouvais directement là-bas à Jéricho. Ah oui, en esprit. Tellement que je me suis retrouvé à Jéricho, j'ai visualisé. Et il y a une soirée, j'ai senti que je sortais de mon corps. Et puis, j'ai fait les recherches. L'apôtre Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, l'expérience de sortir du corps. Lui-même, il dit, il est sorti en esprit. Et vous lirez Jean chapitre 4, Jean, il dit, il sort en esprit. Et les esprits lui disent, viens ici. Donc, il biloque. Alors, donc, ce genre d'expérience, s'il vous plaît, la sensation que vous avez, elle est prédisposée. Comment faire comprendre à sa femme que vous êtes dans une société secrète, hein, sans qu'il y ait du bruit? Bon, maintenant, les femmes, maintenant, ça dépend. Si vous êtes avec une femme et que vous êtes branché sur la voie mystique, mais il faut lui dire. Il faut lui dire que, maman, moi, vraiment, je suis dans cette voie. Vous lui parlez calmement, avec gentillesse, avec respect et douceur. Hein? Il ne faut pas aller avec l'esprit des dictateurs. Bon, toi, là, tu es ma femme, tu dois écouter, tu dois faire. Et à partir d'aujourd'hui, là, je ne peux plus entendre parler de l'histoire de Jésus-Christ. Non. Ne la privez même pas de son église, ne la privez pas de sa mosquée ou de sa religion. OK? Mais si vous êtes dans une voie spirituelle, bon, c'est à vous de la convaincre par votre manière de vivre et puis vous communiquer. La communication. Voilà, quelqu'un dit ici qu'il ne faut pas donner tous les secrets. Oui, c'est vrai. Qui vous a dit qu'il faut donner tous les secrets? Même à sa femme. Oui, il ne faut pas donner tous les secrets. Moi, j'ai vu des femmes dire à leur mari ou à leur futur mari que non, chérie, moi, je suis dans le Ndjembe, moi, je ne veux pas parler des choses de chez nous, les femmes du Ndjembe avec toi, toi, tu n'es pas initié au Ndjembe. C'est normal. Tout comme moi, je ne peux pas lui parler de mes histoires de magie cérémonielle indienne ou de la haute cabale pratique que je maîtrise ou de la macumba et du vaudou. Je peux peut-être faire certains trucs pour l'aider à faire un business ou quelque chose, à aider quelqu'un, ou bien il y a quelqu'un qui est malade, mais je peux l'initier peut-être. Je peux peut-être l'initier, mais je ne peux pas... Bref, en un mot, oui, pas de secret. Quand il s'agit de la vie spirituelle, vous n'êtes pas obligé de dire tous les secrets, mais dites seulement à la femme que je suis, par exemple, maçon. Oh, mais tu vas venir sacrifier les enfants. C'est à vous maintenant de l'éduquer. C'est à vous de l'éduquer. C'est tout. C'est un exemple que je prends. La Kabbale, il y a des livres qui sont disponibles. Kabbaleb en est l'un des auteurs, mais malheureusement, c'est un auteur caché. Il y en a plein de livres. Allez-y également aux éditions Bussière. Ce sont les spécialistes des livres de la Kabbale, les éditions Bussière. Vous entendrez parler de monsieur qu'on appelle Aziel. Bien, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Apparemment, il n'y en a plus. Et que Teta Mwanga vous bénisse. D'ici là... Portons-nous bien. Pardonnez-moi, nous allons donc clôturer avec mon générique. Et puis, d'ici là, portez-vous tous bien. Merci beaucoup. Merci. Yo. Thank you. Soyez tous salués. Que Tétan Mwanga veille sur vous. Merci encore. Merci, merci. D'ici là, portez-vous bien. Et si telle est sa volonté, les jeudis, je ne parle pas. Nous allons donc nous retrouver vendredi et samedi. OK? Vendredi, samedi. Merci beaucoup. Merci, merci encore.